al manouche. Comme les nuages qui passent sur les chemins qui s'entrelacent, caravanes et populaces ont laissé comme une trace. Cette musique qui nous attache et qui semble retenir le temps qui passe. Toi le gitan, toi le manouche, toi l'homme libre que rien ne casse. Swing et chanter, quoi de plus sage dans un monde où règne le tapage. Comme si sur un nuage apparaissait d'un seul coup comme ça un divin présage. C'est bon, ta musique t'emporte vers d'autres rivages et ainsi continue le voyage pour toi le manouche, toi les musiciens de passage. Pas de maison, pas de garage, pas de bureau ni d'entrave, mais du talent et du courage pour que continue le voyage. Comme une mélodie qui passe, les chemins s'entrelacent pour garder la trace de cette liberté qui nous dépasse. Toi le gitan, toi le manouche, toi le musicien qui nous touche. Les chemins s'entrelacent pour garder la trace de cette liberté qui nous dépasse en le jetant dans le manouche. Écris-lui le cul avec ton insigne, tu verras, elle ne résistera pas longtemps. Buenos días, bonjour et gunon. Onjitori, bienvenue, bienvenidas, bienvenidos. Ahora la musique. Pues esta semana un poco especial. Vamos a poner un directo de una hora de música jazz manouche propuesto por Angelo de Bar. En un concierto que llamo el manoir de mes rêves, la casa solariega de mis sueños, ¿no? Que coge el nombre, su origen en un tema de Django Reinhardt. Y este espectáculo, este concierto es un homenaje a la gente del viaje, a la cultura y a los pueblos manouche, gitanos del este, o gitanos, propuesto por los más fervientes representantes actuales de esta música, desde Django Reinhardt, de lo cual se ha cumplido los 100 años hace unos 4 años ya. esta música rica ha hecho vibrar a varias generaciones. Pues es un hogar nómado, un universo colorado donde la vida y la música se entremezclan. Es primero eso, el universo Manouche, el mundo gitano, Singer. Y cuando los músicos de esa cultura dan homenaje al más admirado de sus representantes, eso pues da un espectáculo generoso, auténtico y apasionado. En ese escenario, alrededor de un decorado hecho especialmente para el espectáculo, caravanas, hogueras, caromatos más bien, pues Angelo de Bar, Chavolo Hassan, Antonio Licusati, Ludovic Beyer, Marius Apostol, Thomas Dutronc, Ikan Streva, David Reinhardt, pues hablan de ayer y de mañana, se encuentran en toda simplicidad y amistad y nos recuerdan el fabuloso, la fabulosa herencia dejado por Django, padre espiritual del jazz manouche. Pues una hora de música manouche a disfrutar en Ula la Musique, eso es la Ira y la Tía, en el 107.5 de la FM. Y en el www.irola.algo. Bueno, Irola y la Tía. Y es Ula la Musique. Y el jazz manouche, Angelo de Bar y el manoir de mes rêves. Eh bien, bonsoir à tous. Vous avez l'air d'être nombreux. Nous le serons aussi, rassurez-vous. Je vais vous présenter maintenant les autres musiciens qui vont m'accompagner tout au long de cette soirée. À la contrebasse, Monsieur Antonio Licuzzati. À la guitare rythmique, Monsieur Chavolo Hassan. Thank you. nous allons accueillir maintenant un autre grand virtuose de l'accordéon, celui-là, Monsieur Ludovic Beyer. Thank you. Gay, c'est Nous la la musique, Le manoir de mes rêves. Y estáis en la Irola Irati a 107.5 de la FM. Y sigue con el tema Vamp de Django Reinhardt. Thank you. Era el tema Vamp de Django Reinhardt. Y sigáis en Irola y Ratia y eso es Oulala. Nous allons recevoir maintenant un virtuose de la clarinette, monsieur Johann Schreber. Y el Django. El tema que sigue se llama China Boy de Phil Weld y Dick Reynard. Era el China Boy. Y seguimos con el con el famoso nuage de Django Reinhardt, Nubes. Thank you. La musique ira iratia. Thank you. Monsieur David Reinhardt, Monsieur Rocky Gresset, la jeune génération. Con el tema Daphne y nuages de antes. Merci au nom de tout l'orchestre, c'est moi qui ai le micro. Et je vais vous présenter maintenant notre invité d'honneur, bien sûr. C'est moi que vous attendez tous, Monsieur Thomas Dutronc. Pas d'ici, no soy de aquí. De Thomas Dutronc. Un coup dans l'air, le vent est doux, la lune fidèle. Un chant de cigale, je me sens zégane. Le cœur léger, je vois passer une fleur d'été. Elle est jolie, je suis pas d'ici. Je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. On se dit tout, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer, sous les étoiles, j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté. Un mojito, je vais me coucher tard. Deux mojitos, je vais me coucher. Tout. Qué bueno, sigue ahí senura la música y yo lo voy a ir a ti, ¿eh? Especial manoir de mes rêves. Je vous remercie, Angelo, de, m'avoir invité dans ce beau projet. Et je veux dire que bah voilà, moi, quand j'ai commencé la guitare, je voyais déjà Angelo jouer comme un dieu. Et je suis super content que des gens comme lui et tous les musiciens qui l'entourent existent, parce que c'est des gens authentiques et qui jouent vraiment super bien. Et c'est grâce à des gens comme ça qu'on a envie, nous aussi, de faire de la musique. Voilà. Toujours délicat de se lancer des fleurs, mais j'avais envie, quoi, voilà. Ce petit... Y vamos con el swing 48 de Django Reinhardt. Máquinas, qué máquinas de violín, de guitarras, acordeones. Acordeón. J'aime plus Paris de Thomas Dutronc, no me gusta más Paris. Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances, je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens aigris, je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris, encore partout ça m'ennuie. Je vois trop les gens, je me fous de l'ennui. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. Prépare une arche de la Noé. Tu vois bien, on veut se barrer. Mes plaques et or, Paris est mort. Il est 5h, Paris s'endort. Je sens, j'étouffe, je manque de souffle. Je suis tout pâle sur un petit pouf. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone et vivre comme Lennon. Je parle pas de John. J'aime plus Paris. C'est le périph, le pauvre air, non pas le bon goût. Être millionnaire, pour c'est pas rien. La ville lumière, c'est tout au bout. Du RER, y'a plus de titi. Mais éminé, Paris sous cloche. Ça me gavroche, il est fini. Paris d'odieur, mais aujourd'hui, par suis des diars. J'aime plus Paris. Non mais on se voit pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone et vivre comme les nains. Je parle pas de John. J'irai bien boire une bière, faire le tour de la terre. J'irai bien voir la mer, écouter les gens se taire. J'aime plus Paris, encore pas tout ça m'ennuie. Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans ton lit. Pourtant Paris, c'est toute ma vie. C'est la plus belle, j'en fais Paris. Il n'y a qu'elle, c'est bien l'ennui. J'aime plus Paris. C'est toute ma vie, c'est la plus belle, j'en fais Paris. Il n'y a qu'elle, c'est bien l'ennui, j'aime plus. Paris. Nos podemos ir ya despidiendo, aunque quede un temito, pero por la grabación, sabéis, por... Comme un manu sans guitare, comme un château sans la langue. Y nos despedimos, además, es el tema que pusimos antes del programa. Era una de la musique del Manoir de mes rêves. Y pues, qué decir más, que cuidar a lo que viene de la izquierda, a lo que viene de la derecha. Y nos hablamos, iremos la semana que viene en las ondas libres de Irora y Ratia. Era Ulala, music jazz manouche.